Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, avec leur mine fière trop grand. Ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et les mains étrangères égorger leur printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur et de froid, qui défiaient France et taisaient leurs émois, mais vivaient l'espérance, sont comme toi et moi, des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés